Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, chef de la délégation du Parti Travail de Corée en visite en République démocratique du Congo, s'est entretenu le 14 août avec Henri Moba Sakani, secrétaire général du Parti populaire pour la reconstruction et la démocratie du Congo démocratique. Il lui a transmis respectueusement les salutations du camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée. Le secrétaire général en a exprimé sa profonde reconnaissance et l'a prié de lui transmettre ses salutations sincères ainsi que de son parti. En pourparlers, ont participé les membres de la délégation du Parti du Travail de Corée, Choi Yong-nam, chargé d'affaires par intérim coréen, le secrétaire général adjoint Célestin Tunda Yakasente et autres membres de la direction du Parti du Congo démocratique. Le même jour, la délégation du Parti Travail de Corée a été invitée au banquet offert par le Parti hôte.